Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, où est passé Le Parfum des Roses ? Une série documentaire de Jean-Baptiste Verrieras et Marie-Annick Belot, réalisée par Anne Pérez. Au départ de cette série, il y a la curiosité et l'envie de connaître les étapes du voyage que font les roses. De la terre souvent lointaine où elles ont poussé, jusqu'à ce seau de plastique blanc où elles trempent, enveloppées dans du papier transparent, inodore et solitaire. Mais il y a aussi cet étourdissement qui nous prend lorsqu'on se perd dans l'odeur des roses en été, au point de rêver de mettre ces odeurs en éprouvette. Et il y a aussi des noms, Cornelia, Porcelaine, Pompadour, Cuisse de Nymphe ou Pierre de Ronsard. Alors pour commencer, les personnages. Des obtenteurs qui couvent leurs roses et en inventent, un fils et son père, une fille qui se sent traversée par l'esprit de ses aïeux, des familles qui vivent au rythme des fleurs et une historienne des maisons rosicoles. Ensuite, le décor. Des jardins odorants, des rosiers grimpants, des fleurs qui s'ouvrent, d'autres qui se fanent, des savoir-faire, des pinceaux, du pollen et des serres qui sont comme des coffres-forts. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive chez un rosieriste. Eh bien, Philippe Laperrière, rosieriste. Rosieriste depuis toujours, en fin de compte. J'ai grandi avec les roses et avec mon père et mon grand-père qui m'ont appris dès mon plus jeune âge à connaître, apprécier, cultiver, créer les roses. J'ai 53 ans, j'ai deux enfants. On verra si la sixième génération voit le jour prochainement, mais c'est encore trop tôt pour le dire. C'est un petit peu comme la sélection des variétés nouvelles, où pour créer une rose, il faut une bonne dizaine d'années. Je peux vous en parler si vous voulez, à moins que vous préfériez connaître un petit peu comment on est devenu rosieriste. Moi, j'ai eu la chance que ce soit mon père qui m'initiait à ce métier, même mon grand-père maternel, dès l'âge de 12 ans, qui m'a présenté des petits pinceaux, des boîtes, des étamines, et puis, allez, comme un jeu, je me suis lancée là-dedans. J'avais un grand-père fantastique, qui était merveilleux. Et quelque part, j'ai beaucoup de chance parce que je retrouve ce grand-père en Jacques, et je retrouve la sensibilité de mon père à travers la recherche des roses, à travers Jacques. C'est-à-dire que j'ai deux hommes en un. Je suis comblée. Toute jeune, je me revois attrapant une rose dans les bras de ma maman et j'avais des larmes parce que je m'étais fait piquer par une rose. Des roses en héritage. Une génération de plus. Avec plaisir. Messieurs, bonjour. Tu sais, je t'en avais parlé. Hein. Si, je t'avais. Bonsoir, monsieur. Enchanté. Je t'avais pas dit que c'était aujourd'hui. Ah non. Eh ben, vous tombez bien. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour, bienvenue. Venez, installez-vous. Je mets à côté de votre. Robert Laperrière. Je suis rosiériste depuis une bonne soixantaine d'années. Enfin, vraiment rosiériste, il y a quelques années que j'ai lâché la production. Mais je m'occupe toujours de la sélection et de la création des variétés de roses. Et donc, je continue une tradition qui se perpétue depuis 1870-1880. Et donc, les premières roses Laperrière qui ont été mises au commerce, c'est par Monin et à grand-père, en 1900. On travaille en tandem. Mon père, il s'occupe de tout ce qui est la fécondation et la sélection du premier œil. Voilà. Et moi, je fais les sélections en deux et troisième année et les années qui suivent après. Mais la sélection de base, c'est l'œil de mon père. C'est-à-dire, oui, la première sélection est quand même importante parce qu'on juge de petits rosiers qui ont à peine une année d'existence et qui n'ont pas développé toute leur capacité. Alors donc, il faut un petit peu se projeter dans l'avenir de ces petits rosiers. Et c'est pour ça qu'on a une sélection plutôt un peu lâche, un peu large, la première année. Et donc, Philippe, après, affine cette sélection au fil des greffages, de la multiplication. Donc, toutes vos créations sont des créations communes, on est d'accord? On peut le dire, oui. On peut le dire. Parce que j'ai le pinceau et puis le grain de pollen que je vais déposer sur le pistil de la rose maman. Hein. Mais après, c'est Philippe qui prend le relais après la première sélection. Et donc, on travaille en parallèle. Alors, c'est une question très, très intéressante. La paternité, à qui elle revient? À celui qui a provoqué la fécondation ou qui a déterminé le père et la mère? Qui a dit, on va utiliser tel père et telle mère? Alors, moi, je vais répondre. Si on refait 10 fois le même croisement, on n'obtiendra jamais le même résultat. Parce que chaque pistil et chaque grain de pollen est différent. Donc, on peut, même si on connaît les parents, on pourra recommencer tant qu'on voudra, on n'obtiendra jamais les mêmes enfants. Ça sera des frères et sœurs. Donc, la paternité, c'est vraiment celui qui a choisi d'une manière aléatoire le grain de pollen et sur les pistils qui ont été fécondés. Ça, c'est la vraie paternité. Mais après, ce qu'on a gardé, c'est la sélection qui a été faite par les différentes personnes. Donc, mon père qui fait les premières sélections et moi qui les poursuis. Donc, c'est vraiment un travail en tandem familial. Alors, pour conclure, et pour donner quelque chose de précis, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, les roses qui étaient présentées dans les concours étaient sous mon nom. Et maintenant, c'est Rose Laperrière qui les présente. Voilà, ça définit la structure de la recherche. Et donc, le but, c'est bien beau de créer des rosiers, mais pourquoi le fait-on, hein? Oh, il y a plusieurs raisons. La nature humaine veut toujours tendre vers le meilleur, pour avoir des produits de meilleure qualité, et puis d'être un peu meilleur que le voisin aussi. On est très peu nombreux, même pas. Une cinquantaine dans le monde. C'est souvent de père en fils ou de père en fille. Et il n'y a pas d'école. Dominique Croix. Nos parents, nos grands-parents nous ont imprégnés. J'aime à dire, j'ai des racines végétales. On se sent au même titre que les artisans, qui ont hérité d'un savoir-faire, d'une passion familiale, ou enfin le plus souvent c'est familial, et on a envie de garder ce savoir-faire, on a envie de garder ces traditions, et qu'elles se transmettent. Je pense que c'est aussi un des sentiments qui nous pousse et qui nous habite profondément. Mon père me disait quelque chose, il disait... Il a eu qu'une unique fille. Il disait, j'ai pas eu de fils, mais ma fille, elle est aussi bien qu'un garçon. Je pense que tous les métiers, quand on est une femme, c'est encore un petit peu plus difficile. Mais à la mort de mon père, il est décédé en 99, j'ai senti mon père qui passait en moi. J'ai l'impression d'être un homme pour mener cette pépinière. J'en suis très consciente. Alors, une petite devinette. Jacques Ronchon. Par un beau jour d'été, 5 frères sont nés en même temps. 2 ont une barbe, 2 n'ont pas de barbe, et le 5e, une moitié de barbe seulement. Qui sommes-nous? Alors, vous avez jamais regardé une rose la tête en bas? C'est surtout mon grand-père qui m'a emmené dans des congrès ou à des expositions de roses. Il m'a intéressé d'une manière plus concrète. Et quand il recevait un client, il y a beaucoup de clients qui venaient à la maison, c'était un plaisir de l'entendre parler aux clients. Il savait les conseiller et leur consacrer du temps. Mais aussi bien mon père... qui a vraiment été très proche de son grand-père, La même manière, moi, dans les entreprises familiales qui vont de génération en génération, ses parents, on les a au quotidien. Et son grand-père, quelle que soit la génération, en fin de compte, c'est le sage un petit peu aussi. C'est toujours très important ce que le grand-père va transmettre. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Mon grand-père m'a enseigné tout un tas de choses sur les roses, et puis également sur tout un tas d'autres choses. La photographie, par exemple. Avant, j'avais beaucoup plus de temps. Je faisais moi-même les photos pour notre catalogue, avec une chambre 9-12, voyez, où on met la tête sous le tissu noir. J'allais donner la main à mon grand-père, voir mon père qui coupait les greffes. C'est vrai que tous les étés, je les ai passés à travailler dans la roseraie. Oui, toutes ces vacances scolaires. Les vacances de Pâques, j'étais aux plantations. Au mois de juillet, j'attachais. Après, j'ai appris à greffer, etc. Alors que j'avais 14-15 ans. Ma décision de ma vie n'était pas faite encore. Donc, c'était mon job d'été, chez les parents. Voilà. Et puis après, il arrive un moment, il faut prendre des décisions dans la vie. Ça ne me déplaisait pas. Et là, il m'a appris le métier. Voilà donc les fruits du rosier. Et à l'intérieur, il y a les graines. Alors, vous savez, c'est comme dans les fraises et les framboises. Il y a la partie rouge de la fraise ou rose de la framboise, c'est le porte-fruit. Et quand on dit j'ai des graines dans les dents, c'est en fait j'ai des fruits dans les dents. Eh oui. J'ai frappé aux portes des maisons rosicoles toujours en activité pour savoir si elles étaient en possession d'archives. Donc j'ai découvert des fonds d'archives qui n'avaient jamais été exploités. Nathalie Ferrand, historienne. Alors pour certains conservés dans de très bonnes conditions, sur une période assez longue et conservé avec soin, et pour d'autres au contraire, des archives qui étaient entassées au grenier, qui étaient qui étaient dans l'humidité, mangées par les souris et dont les détenteurs ne savaient pas ce que comportaient les cartons. Donc c'est moi qui ai sorti tout ça, qui ai regardé, qui ai trouvé des choses intéressantes, qui ai classé les archives, et en fait j'ai eu l'impression finalement de sauver une partie de cette histoire, ou en tout cas de la remettre un petit peu sur les rails et d'empêcher que ces archives finissent, pour certaines, à la benne, quoi. Et la première fois où je me suis rendue chez une maison de rosieriste, chez un rosieriste, je m'en souviens très bien, il s'agissait de la maison Guillot. Enfin, d'autres maisons ont répondu à mes courriers, entre autres la maison La Perrière. J'ai rencontré aussi les Horard à Fézin. J'ai fait un petit peu le tour des maisons toujours existantes dans la région. Comme nous, nous y étions, on faisait de la pépinière. On a même créé une variété de pommes. On a fait de l'horticulture. Et des purs rosieristes dans les années 1900 qui vivaient que du rosier, il n'y en avait pour ainsi dire pas encore. Ils avaient tous une petite activité connexe qu'ils ont perdue plutôt dans les années 50, 40, 50. Et puis on avait des établissements qui étaient pure création de roses, comme Malrin, qui est un grand nom, le magicien des roses. Lui, il faisait que de la création. Donc, c'était un petit peu un mélange de tout ça. Et c'est vrai que concernant l'activité économique, au fil des années, on s'est réduit un petit peu. Autour de Lyon, maintenant, nous sommes purement rosieriste ou qui cultive du rosier, on est 7 ou 8. Et en créateur de roses, là, on va plutôt se situer sur 6-7. Et à l'échelon français, on représente 50%. On peut même dire, parce que c'est une réalité, que une rose sur deux ou un rosier sur deux vendu dans le monde a une génétique issue de la région de Lyon. Voilà. Ça, c'est des choses réelles. Donc, ce qui prouve bien que historiquement, les obtenteurs de la région de Lyon et l'histoire de la région de Lyon a vraiment été portée dans le monde entier. Rose de Lyon. Mais pourquoi cette aventure de la rose ? Eh bien, depuis un siècle, on peut dire que la région lyonnaise est un centre important pour la production de roses de jardin. En effet, c'est à Lyon que furent trouvées les premières variétés de polyanthe, race nouvelle, et c'est encore à Lyon que fut obtenu en 1833 par Pernet Duchet le premier Pernetiana, dont beaucoup de variétés figurent toujours dans nos jardins, par exemple Angèle Pernet et Madame Édouard Herriot. Alors il faut dire que la ville bénéficie de conditions agroclimatiques qui sont favorables à la culture du rosier, avec des sols argilo-gravuleux, donc sains et chauds, qui vont permettre aux rosiers de développer de puissantes racines, des écarts de température avec des étés chauds, des hivers rigoureux, qui du coup permettent d'exporter des rosiers parce qu'ils vont s'adapter à des pays aux climats différents. La présence de deux fleuves à Lyon, le Rhône et la Saône, favorise un trafic fluvial important. Il faut aussi évoquer une sorte de stimulation intellectuelle du fait de la présence des botanistes tout au long du XIXe siècle. À cela s'ajoute aussi la forte progression de l'économie lyonnaise tout au long du XIXe siècle, avec l'essor d'une bourgeoisie lyonnaise qui constitue un nouveau marché pour de nouveaux secteurs d'activité. 1820-1850, c'est l'essor. 1850, 1870, 80, 90, les rosieristes s'affirment. Fondation de la Société française des roses, qui est quand même un élément important, 1896. Et donc, vraiment, l'âge d'or, fin 19e, jusqu'à la guerre de 14. Et ensuite, relatif déclin à partir des années 20. Et 1950-60, une nouvelle génération qui prend le relais, hein, qui est toujours présente, puisque Lyon est toujours un centre important de création de roses. Enfin, Lyon, la région Rhône-Alpes plutôt. Mais il faut quand même avoir l'idée que l'âge d'or est derrière. Est-ce qu'il y avait des roses sous Louis XIV? Non, il n'y avait pas de roses, il y avait des tulipes. Jean Gaujard. Il y avait des iris, beaucoup d'iris, beaucoup de plantes bulbeuses, des pivoines même, mais il n'y avait pas de roses, car les roses datent exactement de la fin du XVIIIe siècle. Ah bon, très bien. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire des roses. À quel moment sont-elles arrivées Alors en France, il a été amené par une personne célèbre qui n'était rien d'autre que l'impératrice Joséphine. Lorsque Joséphine a été répudiée et s'est installée à la Malmaison, oui. Elle aimait beaucoup les plantes, toutes les fleurs. Elle était très liée avec le docteur Cartier, directeur du Muséum de Paris. Elle était très liée également d'une longue amitié avec le directeur du Muséum de Londres. Et par l'intermédiaire de ces deux personnalités, elle avait réuni à la Malmaison 123 espèces ou variétés de roses, ce qui était considérable à l'époque. Bien sûr, c'est assez étonnant. Alors en somme, la vogue des roses a commencé avec l'impératrice Joséphine, c'est ça. L'impératrice avait planté tout ça côte à côte. Elle avait un jardinier, un nommé Desmé, qui était extrêmement perspicace et qui avait remarqué que les abeilles se promenaient d'une rose à l'autre. Alors un jour, il a eu l'idée géniale, on peut dire, de semer ces fruits issus de ces fécondations produites par les insectes. Et il s'est aperçu qu'il avait des roses tout à fait différentes de celles qui existaient. Question qui commence en 1846, par la douleur en fin de compte. Nous sommes une famille originaire de l'Ain, d'un petit village qui s'appelle Anglefort, près de Seyssel, le long du Rhône. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était cultivateur et en revenant du champ, il y avait des chasseurs et il y a un malheureux coup de fusil qui est parti et il était sur son vélo et il a pris le coup de fusil comme un accident banal de chasse. Son épouse était enceinte de 6 mois. Il est décédé quelques jours après à la maison. J'ai retrouvé son testament qu'il a dicté sur son lit de mort. Et donc son épouse s'est retrouvée toute seule à élever ses enfants, et notamment le garçon qui était Marin Joseph, premier du nom de la lignée des rosieristes Mais comment est-il devenu rosiériste? C'est ça qui est intéressant. Dans les années 1860, donc il avait à peu près 14-15 ans, sa maman, n'arrivant pas à faire face aux revenus, l'a envoyé comme jardinier dans une maison bourgeoise sur la région de Lyon. Et comme vous le savez, c'est la grande époque de la soierie. Il y avait des maisons à entretenir, des jardins à faire. Et c'est comme ça qu'il a pris contact avec l'horticulture pour la première fois. Ça lui a plu. Quelques années après, il a pu louer un petit bout de terrain, commencer à s'installer. Et de là, en 1864, il a pu créer les Roseraies La Perrière, qui perdure depuis plus de 150 ans maintenant. Il y a plusieurs choses là importantes à souligner. Il y a déjà le rôle de la Société française des roses, qui va être un stimulant en fait pour ces rosiéristes. Donc c'est une société nationale qui est fondée en 1896, dont le siège social est à Lyon, mais une société nationale, et qui va mettre en place un certain nombre d'actions. Par exemple, qui organise tous les ans un congrès annuel dans différentes villes de France où les rosiéristes sont présents justement pour parler de leur expérience, des problèmes du métier et confrontent un petit peu leur expérience, leurs avis, etc. Les concours aussi. Les concours ont un rôle très important parce qu'ils vont obliger les rosiéristes à aller vers une forme d'excellence pour répondre aux attentes des consommateurs. Et du coup, on voit à travers ces concours apparaître une élite rosicole. Ça, c'est très important. Les concours, les expositions aussi, les expositions de roses, voilà, tout ça va avoir un rôle de stimulant et du coup va obliger les rosiéristes à être de plus en plus performants techniquement. Voilà, donc on a vraiment une petite élite qui cumule les prix et les récompenses. De ravissantes personnes en robe claire déambulent dans les allées bordées de roses. Leurs larges caplines qui ondulent sous la brise se dressent vers les arceaux fleuris, véritable voûte de roses qui s'étend à perte de vue par-dessus la roseraie tout entière, au son d'un orchestre dont le programme a naturellement pour thème la rose. C'est M. Jules Gravroux qui fonda la roseraie d'Ailly-les-Roses. Son fils, le colonel Henri Gravroux, nous conte son histoire. La roseraie fut fondée en 1895 par mon père, qui voulait d'abord avoir un joli jardin de roses. Il voulait ensuite avoir beaucoup de roses. Il voulait enfin avoir toutes les roses. Nos roses partent essentiellement dans une quinzaine de concours de roses, Baden-Baden, Madrid, Rome, Paris, Lyon, Saverne. Elles ont eu voyagé jusqu'à Tokyo, jusqu'à Buenos Aires. On a eu quelques prix, ça fait plaisir. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, mais ça nous encourage beaucoup et on en est très heureux. Au mois de décembre, on fait une sélection en sachant qu'elles vont être notées pendant 3 ans pour les rosiers grimpants et arbustifs et pendant 2 ans pour les rosiers buissants et polyantins. Il faut être déjà très sévère avec mon époux. Il fait un énorme travail d'observation. Il a sa nurserie, il va les voir pousser, il va les dorloter. Qu'est-ce que tu en penses de tes filles ? Ne t'en désintéresse pas de tes filles. Alors, bien sûr, automatiquement, je les repère, je mets le nom des parents, je les photographie pour m'en souvenir, on fait des listes. Alors, il faut s'acharner parce que il y a beaucoup de concurrentes. Et puis après, il y aura peut-être une histoire de mode dans le pays. On va préférer peut-être des couleurs chaudes en Espagne ou en Amérique du Sud. Je sais avoir reçu un petit pins pour avoir eu une médaille d'argent à Buenos Aires. Le rosier est à la fois, cet aspect masculin avec cette tige épineuse. Comme dit souvent, il faut bien armer à la reine des fleurs. Mais il y a aussi ce côté féminin avec la fleur qui est très belle. Voilà, donc on retrouve dans notre vie de tous les jours ces moments d'épines. Il n'y a que des épines. quand financièrement, quand les choses ne vont pas comme on le souhaiterait, des hybridations qu'on a fait en espérant obtenir une certaine rose et que finalement on s'aperçoit qu'elle ne répond pas à ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est les épines de la rose. Ou alors lorsqu'on s'aperçoit que, puisqu'on travaille avec le temps, avec la nature, on s'aperçoit que la nature soit a causé des dégâts dans notre domaine, soit endommagé nos créations. Voilà, donc c'est toutes les épines du quotidien. Mais il y a aussi beaucoup de roses d'insatisfaction de voir qu'on a obtenu de belles choses, ou comme aujourd'hui le baptême de la rose Gérard Pardieu. C'est plus un mariage, dans la mesure où on confie une de nos filles, un petit peu comme une fille qu'on confie à un mari en disant ben maintenant fais ta vie, voilà, à toi de te débrouiller. Il y a quelque temps, j'avais remarqué une très jolie rose dans mon carré d'expérience et je l'avais beaucoup photographiée, donc à l'entrée de l'hiver, là où elle est généreuse, où elle donne le meilleur d'elle-même, où elle est pulpeuse. Et peut-être le caractère de cette rose ressemblait à celui de Gérard Depardieu, une jolie rose qui était fine, pulpeuse, magnifique, qui avait du panache. J'avais un grand-père qui aimait trouver aussi des noms pour les roses. Et mon grand-père Jean-Marc, je vous en ai parlé, c'est celui qui m'a initié à l'hybridation dès mon plus jeune âge. Des noms très romantiques, soir d'été, soirée de bonheur, sourire d'orchidée, déclic, image d'épinal. Elles ont toute une histoire, elles ont... Je pense également à ma grand-mère Angéline, ma grand-mère maternelle, l'épouse de Jean-Marc. Un jour, je me promenais dans ma roseraie et j'ai découvert une jolie rose dans les tons de fuchsia. Mais je me suis dit, ça te rappelle le rouge à lèvres de ta grand-mère et son chemisier. Et j'ai vu ma grand-mère dans cette rose. Je l'ai nommée Angéline Marc. Say, I have no use for other sweets of any kind, baby, since the day you came around. From the start, I instantly made up my mind that you're the sweetest sweet that can be found. You so sweet. Oh, Pops. Can't be beat. You mean it? Nothing sweeter ever stood on feet. Yes. Monique Laperrière, ben, ça c'est une rose pour ma mère. Voilà, qui est c'est de... massif qui est content dans mon jardin. On a également, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah ben Jet Set. Ah, Jet Set, ah, super variété. C'est une variété qui a une douzaine d'années. La variété qui a été le plus primée chez nous. Elle a eu, je crois, 6 ou 7 médailles d'or. Elle a eu plus de 12 récompenses dans le monde. Belle réalisation. Merci papa, hein, parce que là, c'est un de ces vrais bébés où moi j'étais encore un petit peu moins impliqué pour la sélection à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Adriana Top Model. Bah oui, là, ça remonte au début de la carrière d'Adriana. J'ai pas de préféré parce que elles ont toutes leurs caractéristiques, leur caractère et la manière de les utiliser. Et alors Roxane, je l'aime beaucoup, c'est vrai. Ah, on pourrait en citer pendant des heures, c'est vrai. Comme disait mon père, les roses, c'est comme les femmes, elles sont toutes belles, hein. Je dirais les roses, elles ont toutes leurs jours, elles ont toutes leurs heures. Après, il faut les adapter aux bons endroits, aux bonnes orientations dans un jardin. Certaines vont préférer l'ombre, d'autres le soleil, et certaines vont brûler. Il faut les disposer dans les sols et les altitudes qui conviennent. En 2000, j'ai rencontré Jacques, et il est passé de la musique à la nature. C'est le chef d'orchestre maintenant. Il a dessiné une très belle roseraie, conservatoire, c'est ce qui nous manquait dans cette pépinière. Mon père s'en est allé, il fallait pas que les roses s'en aillent aussi avec lui. et on les trouve essentiellement à Bourg-Argental. Alors, il a dessiné une superbe roseraie. Il faut du temps pour avoir pour installer une belle roseraie. Il faut une douzaine d'années. Hein. C'est pas sans effort. Il y a eu la sécheresse. On perd 70% de cette production pour ce nouveau conservatoire. Donc, on s'est beaucoup accroché et étape par étape, on a constitué quelque chose de très beau. Alors, pour pas que les variétés se perdent. Je les aime toutes, les roses. Je leur donne la chance à toutes. Mais il y en a qui sont très difficiles à travailler. On a dit qu'il y avait des bons pères, des mauvaises mères, vice-versa. Il y a des variétés qu'on ne fera jamais rencontrer. Il y a une part de hasard aussi, hein. Et de génération, de génétique. Bien, là on va rentrer dans l'antre de la création des roses. Ah, ah. Allez, suivez-moi. Alors, là, on va vraiment passer dans le concret. On va carrément marier, féconder, c'est-à-dire qu'on va apporter sur une rose qu'on aura sélectionnée, qui sera la mère, on va apporter des éléments géniteurs mâles, le pollen, sur le pistil de la fleur. Donc, vous allez voir ça, c'est très très simple. Géographiquement parlant, on est à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, la proche banlieue lyonnaise. Ça fait une cinquantaine d'années qu'on est là. Et on est au milieu de nos tunnels. Un tunnel, c'est une maison en plastique, pour être simple, qui permet de contrôler la température, le vent, l'humidité, et de travailler sereinement. Comme mère, j'ai choisi une variété qui n'est pas française. Elle est de Nouvelle-Zélande. Et son nom français, c'est Akaroa. C'est un petit clin d'œil d'un village en Nouvelle-Zélande qui a été fait par les Français. Le créateur de cette variété, il s'appelle Bob Matthews. Là, vous avez vu, j'ai enlevé une fleur. C'est la fleur du milieu, ce qu'on appelle. Donc, le premier acte, il faut choisir une fleur qui ne s'est pas encore auto-fécondée. Pourquoi ? Parce que, si on regarde bien, on a le pistil au milieu et les étamines autour. Donc, sous l'effet de la chaleur et du vieillissement de l'ouverture de la fleur, le pollen qui est contenu dans les étamines, les anthères, va se déposer sur le pistil. Et là, la fécondation a eu lieu. Donc cette fleur, elle est trop ouverte. Par contre, cette fleur, elle n'est pas encore ouverte. Donc on va la déshabiller tout doucement. On a enlevé tous ses pétales. Avec le greffoir, délicatement, on va enlever les étamines. Elle est bien propre. Il ne reste plus que le pistil. Et là, on va se poser la question, quel père ? On sait déjà un petit peu quel mariage on va faire. Là, on a une variété à fleurs groupées, c'est-à-dire une tige avec plusieurs fleurs. La mère a un feuillage épais, résistant. Elle a une couleur vive et on va essayer de garder ses caractères en apportant peut-être de l'orange ou du jaune. Donc au préalable, on a récolté du pollen d'un père présentant ses caractéristiques. Il est dans la boîte. Et là, on va secouer la boîte pour faire éclater les sacs polliniques et récupérer le pollen. Et là, on se rend compte que c'est tout jaune. Là, on va prendre le pinceau, on va prélever délicatement du pollen que l'on va mettre sur le pistil. La voilà fécondée. Et là, on a les insectes, le vent, donc on va protéger pendant quelques temps avec un petit sac en papier cristal et on va recouvrir de cette manière-là la fécondation. Bien entendu, on va prendre soin de noter la combinaison que l'on a effectuée. on saura que la variété Acaroa, fécondée avec plein soleil, est attachée avec un lien de couleur bleue. Yes, every honeybee filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose, but say, when you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup. Say, you're my sugar. It's sweet when you stir it up. Babe, when I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. Ba ba da da da da da. Les obtenteurs, on est toujours dans une certaine mouvance parce que pendant 5-6 ans, on va travailler avec tel type de père, tel type de mère. On va avoir plutôt tel type de fleurs. Et puis après, on va changer un petit peu de génétique et on va recréer des fleurs un petit peu différentes. Il y a des teintes difficiles à obtenir. Des rouges lumineux avec du parfum. Il n'en existe que très très peu. On va en sortir une dans 2 ans. Je peux pas en parler encore. Il y en a une, là, je l'ai pas pris au hasard, parce qu'elle s'appelle Jubilé la Perrière. Ça, c'est son nom, sa marque commerciale déposée. L'AP, ce sont toujours les 3 premières lettres du créateur. Après, on a marqué propagation réservée. Donc ça, c'est qu'il y a un brevet, un certificat d'obtention variétale. Et marque déposée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la marque commerciale. Donc ça, c'est vraiment le label de garantie d'authenticité. C'est le terme exact. Chaque producteur la posera sur la plante vendue. Et il y a une partie de la royalty qui reviendra au découvreur, donc à la Perrière, et une partie qui reviendra à la maison d'édition, Eddy Rose. J'ai une question pour vous, Nathalie. Elle fait quoi, Madame la Perrière? Oh. Ce serait plutôt à Philippe qu'il faudrait poser cette question. Madame Laperrière, quand je suis en tout cas venue travailler dans l'établissement, je l'ai vue très impliquée, à la fois au secrétariat. Oui, alors, c'est vrai que... Comptabilité de Roseraie. Comptabilité oui. De Roseraie. C'est elle qui a le contact avec l'expert comptable. Puis elle a la casquette Eddy Rose. C'est la gérante. Elle est gérante d'Eddy Rose. Voilà. Donc c'est elle qui a la responsabilité un petit peu morale de l'affaire. Ouais, même plus, parce qu'elle fait la comptabilité. C'est elle qui a le contact avec également tous les producteurs. Ouais, voilà. Pour Eddy Rose. Pour Eddy Rose. Elle fait également toute la partie administrative d'Eddy Rose. Voilà. Donc ça, c'est son deuxième mi-temps. Hein, elle a une autre casquette. Et puis après, elle est secrétaire de la société française des roses. Donc là, c'est un mi-temps. Ça fait, en fin de compte, elle fait 3 mi-temps. Ça fait un peu plus qu'un temps complet, finalement. Pour une retraitée, c'est pas mal. And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Bon, il avait 13 ans quand on s'est connus, il était comme stagiaire, et je sais que cette année-là, il y avait 3 jeunes garçons de son école d'agrotech. Et c'était des très bons stagiaires, et il levait le doigt, « Madame, madame, on a fini !» Encore, il réclamait du travail, c'est fantastique. Jérémy, c'est le seul qui m'est marqué depuis 20 ans, surtout mes stagiaires. C'est le numéro 1. Jérémy, j'ai 23 ans, j'ai commencé mes premiers stages au Pépinière Croix, j'avais 13 ans, 13 ans et demi, c'était en 4e, 3e, nature environnement. Vu que je suis présent depuis un moment, Dominique m'a confié la responsabilité des cultures de roses. Chaque été, il faut greffer les nouvelles variétés qui sont créées, qui arrivent de la serre. Ça a été des semis, donc il faut pouvoir les greffer afin de les étudier. les juger pendant plusieurs années. Donc le but, c'est de réussir l'opération de la greffe, d'entretenir la culture. Ça, c'est un gros travail à faire, surtout en période estivale, il y a toute la végétation qui pousse, les mauvaises herbes. Il faut arriver à faire la part des choses et à élever le rosier en pleine terre et l'observer pendant 4-5 ans. On a même des rosiers, ça fait 10 ans qu'ils sont plantés, mais on n'ose pas s'en séparer. On est toujours en train de se demander est-ce qu'on passe pas à côté d'une variété. Du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine qu'on arrive à faire. Donc c'est un échange qu'on a entre nous trois, entre l'obtenteur, soit Dominique, soit Jacques, et entre le cultivateur que je fais tout au long de l'année. Alors justement, on reconnaîtra peut-être si c'est une rose de Jacques ou de Dominique, parce qu'il y a comme une signature quelque part. Tout de suite, on dira, bah, ça c'est plutôt une rose qui est de Jacques ou de Dominique, elle le ressemble. Jacques, à une époque, aimait beaucoup travailler les rosiers grimpants, comme mon papa. Et maintenant, on a plus peut-être une demande de rosiers buissons à l'heure actuelle. Il va peut-être encore plus s'investir dans les buissons. Par exemple, il y a 2 ans, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le jaune. Je m'étais aperçu que dans mes créations, je n'avais pas été particulièrement attiré par le jaune. Donc, j'ai investi cette année-là sur la création de roses jaunes, travailler autour du jaune. Maintenant, c'est autre chose. Voilà, mais on recherche toujours donc la nouveauté, la qualité et la beauté. On est quand même tenu, hein, c'est ce que je voulais dire, par le marché actuel. C'est-à-dire qu'on nous impose un cahier des charges. Par exemple, tout à l'heure, on nous a dit on veut des grosses fleurs avec des rosiers qui se conditionnent facilement. Donc, ce qui veut dire que notre travail d'artiste est quand même bien limité par ces conditions très, très matérielles, finalement. Hein. Donc, ça aussi, c'est des choses, des contraintes dont il faut tenir compte. Aujourd'hui, vient la rose souvent en conteneur, donc il faut pouvoir la conditionner, hein, de toute façon, avec des tiges suffisamment résistantes, suffisamment robustes pour être mises en palette, pour pouvoir mettre par-dessus d'autres palettes. Donc, les diffuseurs reconnaissent bien qu'on a de très belles choses. On parlait d'un très beau rosier Léane, là, que j'ai créé, mais on m'a dit c'est difficilement commercialisable parce qu'on ne peut pas l'emballer. Donc, voilà, c'est regrettable. Et bien évidemment, d'en être là, mais il faut tenir compte de ces contraintes matérielles. On est un petit peu sur le tout de suite. On vit connecté, etc. Mais le jardin, c'est pas tout à fait ça. Il faut du temps. Mais les gens qui font leur jardin, ils veulent le résultat immédiat. Il y a une quinzaine d'années en arrière, le rosier se plantait à l'automne. Il se plante d'ailleurs toujours à l'automne et on obtient de bien meilleurs résultats. Mais on va planter une plante en dormance et il va falloir attendre le printemps pour la voir. Maintenant, l'automne, les gens, ils ne sont pas dans leur jardin. Les premiers rayons du soleil, quand ils arrivent au mois de mars, ils disent « Tiens, si on plantait des fleurs, des rosiers ?» Et ils veulent une plante déjà pratiquement finie, qui a déjà commencé à pousser, qui est déjà en bouton. Donc en fin de compte, les rosiers, on les met en pot et on les vend en cours de végétation ou fleuris. Ça, c'est le grand basculement de notre métier et qui, depuis 3 ans, est vraiment très, très marqué. Alors, bien entendu, ça a des grosses incidences sur le mode de production, parce que la production dure 6 mois de plus, donc des coûts supplémentaires. Et on doit faire face à ce genre de choses. C'est générationnel. On parlait de l'histoire, je vous parlais de mes arrière-grands-parents. Les couples qui ont 20, 25 ans, 30 ans, qui construisent, qui ont un premier jardin pour la première fois, ils sont un petit peu désemparés. Leur père n'est pas dans le monde agricole et leur grand-père non plus ne l'est plus dans le monde agricole. Il n'a pas eu une transmission de savoir qu'en fin de compte, les choses, il y a certaines choses qu'on fait à l'automne, puis il y a d'autres choses qu'on fait au printemps. Et ce dérèglement un petit peu sournois, il a eu lieu, il a commencé dans les années 65-70 avec un produit tout à fait anodin, auquel vous pensez peut-être pas, c'est le haricot du Kenya et qu'on mangeait pour Noël. On était hors saison. Roses red and roses white, plucked I for my love's delight. She would none of all my posies, laid me gather her blue roses. Donc là, les gens, on a commencé à dérégler un petit peu l'aspect des saisons. Maintenant, les fraises, on commence à en manger très très tôt, parce que ça arrive d'autres endroits du globe. Et puis, si vous faisiez un sondage et demandez quelle est l'époque de récolte de la tomate, de la pomme de terre, de la pomme, de la fraise, de la cerise, etc. Il y a beaucoup de personnes qui seraient incapables de dire « Ben non, c'est là, c'est, ben non, j'en sais rien, il y en a toute l'année. » On a un petit peu perdu tous ces repères de saison. On voit dans le volume des ventes, les ventes qui, il y a 50 ans, représentaient, les ventes d'automne représentaient 60% de la production. Maintenant, ça s'est inversé et les ventes d'automne représentent à peine 40% de la production et tout le restant est déporté vers le printemps. Le climat va jouer d'une manière très importante sur nos professions. Il y a déjà des gens qui pensent planter de la vigne en Grande-Bretagne et de déplacer des cultures, ça va aller dans ce sens-là. Et nous, pour le rosier, on a des systèmes de culture qui sont bien marqués par les saisons actuellement. Au mois de mars, on plante. Au mois de juin, on va commencer à greffer. Au mois d'octobre, on va commencer à arracher avec un rosier qui est bien adapté au climat que l'on a actuel. Mais dans 10 ou 15 ans, si on a des étés très, très maussades et des hivers doux, ça va être complètement bouleversé. Oui, et le rosier, c'est une plante qui a besoin de froid à un moment donné. Il faut qu'elle rentre en dormance. Donc, si on plante des rosiers dans un pays chaud, si on peut dire, qui n'a pas d'hiver, le rosier va durer 3-4 ans. Parce qu'il il sera en fleur tout le temps, il ne va jamais se reposer. Et également, dans ces pays-là, c'est plus compliqué de les multiplier, bien entendu, de les produire. Donc c'est vrai que l'aspect climatique va jouer énormément. Les deux plus gros facteurs pour notre métier à moyen et long terme, c'est l'aspect économique et l'aspect climatique. Sur l'aspect de la création de roses, ces 10 dernières années, à l'échelle mondiale, il y a un nombre de créateurs de roses supérieur. Chaque année, il y a des nouveaux créateurs de roses, dans le monde entier, et notamment en France, on a des nouveaux créateurs de roses. Dans la région Rhône-Alpes, on en a 2 ou 3 qui se sont mis à créer des roses il y a 10-15 ans, donc qui commencent à présenter des roses dans les concours internationaux. Et de la même manière, dans d'autres pays. Il y a également même des amateurs français. Quand je vous disais que c'était pas compliqué pour créer une rose, on peut faire au fond de son jardin, on peut faire ça. Prendre le pollen d'une fleur et le mettre sur une autre. On peut le faire, semer les petites graines dans un pot, puis voir ce que ça donne. C'est à la portée de tout le monde. Après, c'est une histoire de passion et d'investissement. Donc sur l'aspect création, on est à l'échelle mondiale, européenne et française, et même régionale, on est en progression. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs recherches qui sont quand même passionnantes. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la recherche au niveau du parfum. Ou de la même façon, on a prouvé que c'était un gène qui empêchait la production de parfum pour toutes les roses. Donc là aussi, on peut imaginer que la rose de demain, toutes les roses de demain seront parfumées. Est-ce que c'est souhaitable? C'est ce que je dis souvent, de dire, bon, il n'y a plus de surprise quand on va mettre le nez dans une rose, puisqu'elles auront toutes du parfum. Alors, on souhaitera autre chose, parce que notre nature est toujours insatisfaite, notre nature humaine. Donc on dira, ben, elles sont toutes parfumées, ça n'a plus d'intérêt. Donc on voudra autre chose. Donc la rose bleue, on m'a dit qu'elle était sur le point d'être créée. Bon, quand je fais voir par un montage photographique un rosier avec des roses bleues au public, c'est pas l'enthousiasme chez tout le monde. Il faut laisser la part de rêve. On ne crée pas une rose pour créer une rose, un arbuste. Mais c'est, il y a tout un côté humain. Et là également, pour moi, c'est le côté symbolique. Et qui a marqué l'homme, déjà avec le nombre 5 de pétales, le nombre 5 de sépales, la couleur, les tiges qui rappelaient la couronne du crucifié, le parfum qui rappelait l'encens. Et ensuite d'autres symboles, symboles de perfection, de connaissance. Pour moi, tout ça fait un tout. Un petit peu comme un être humain, c'est pas un ensemble de chair et d'eau, mais il y a une autre dimension. Et cette dimension, pour moi, elle, et pour Dominique aussi, on partage le même sentiment, est inséparable du rosier. C'est la célébration de la vie. La vie qui, et puis c'est une collaboration avec la nature qui est passionnante. Se dire qu'on peut faire un petit quelque chose avec la nature, qu'on peut travailler avec elle. Je crois que ça, c'est enthousiasmant. On a un métier qui est basé sur le temps, les saisons, l'aspect climatique, et qui, en fin de compte, en aucun cas, il est routinier. Chaque année est différente. Vous le voyez, vous, dans votre vie de tous les jours. Et nous, c'est pareil. Et en plus, on va vivre avec les saisons, évoluer, voir. Et on va voir la nature s'éveiller, se refermer. On va voir le mauvais temps, du beau temps, etc. Donc ça, c'est sensationnel. On voit pas le temps passer. Et donc, on a un métier qui est vraiment envoûtant, quelque part. Parce qu'on ne se rend pas compte du temps qui passe. Pourquoi pas un futur rosieriste? C'est vrai que un geste qui est assez simple, croiser des variétés de roses, mais c'est un savoir-faire, c'est une petite poignée en France qui font ça, et c'est assez remarquable de pouvoir partager ça avec nous. Jérémy, il fait partie de la famille. Hein. Les filles sont plus abondantes que les garçons, puisque j'ai 3 petites filles et un seul petit-fils. Et donc, c'est pas définitif tout ça. Alors maintenant, on va parler de vous, mesdames. Parce que la rose, c'est quand même vous. On sait bien que les filles naissent dans les roses. Et les garçons dans les choux. Je n'ai pas trouvé de choux. Les horticulteurs savent tout cela. Trop d'épines et trop importantes privent la fleur de sève ou d'autres choses nécessaires à la robusté, à la beauté de la corolle. Trop d'épines nuisent. Tu dis à ma maman qu'on fait une petite interview, qu'on arrive. D'accord. Non, il n'y a pas de raison. Vous allez chez demain, chez Thérèse? Oui. Non, lundi. Ah oui, lundi, on oui. On va aller au chemin de la rose. Tu prends le bonheur ou tu prends les épines? C'est pas les épines, le moins et drôle. Et on finira par le bonheur. Pour faire rêver, on est là pour faire rêver. I bought a rose from the guy at the traffic lights. Only for the thorn. I pressed it as hard as I could into my palm. Où est passé le parfum des roses? Across town to your place. Des roses en héritage. A church bell rings like it's just going through the motions. Avec Philippe et Robert Laperrière, Jacques Ronchon, Dominique Croix, Nathalie Ferrand, Jérémy. Documentation. Linda Simon, Amélie Briand le Jeune, Anne-Lise Signoret, Romain Couturier. Texte lu par Sarah Chaumette. Équipe de réalisation. Marie Le Peintre, Claude Nior, Anne Pérez. Ce documentaire a été soutenu par la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAV. Remerciements à Léa Galanopoulos. Une série proposée par Jean-Baptiste Verrieras et Marianic Bello. So I suck over a lukewarm lunch, served up by some Valkyrie. You all bracelets and the suntanned arms, the street outside dissolving in sunlight. When I used to wonder about how our lives would pan out, it was always the two of us together. But I've known a long, long time you're seeing this married guy, and the thing is, it somehow just don't matter. And when we fuck, it's like we're just hustling to come. We should have broke up maybe years ago. Tonight you had a nosebleed on your white crepe top. I said I'd miss you. LSD, à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast pour la balade, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et demain, troisième étape, la rose et le génome, où est passé le parfum des roses?